On va parler de la traversée internationale du lac Mégantic qui se déroulait en fin de semaine au lac Mégantic. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce qu'évidemment, beaucoup de nageurs qui étaient là en fin de semaine au lac Mégantic étaient à Robertval il y a 15 jours, étaient également à Saint-Thomas. Et question de savoir un peu comment ça s'est passé, on parle avec celui qu'on parle toujours pour la traversée, il est également bénévole au lac Mégantic, c'est Marc-André Leclerc. Salut Marc-André! Oui, bonjour Danny. Marc-André, si on parlait du lac Mégantic, ça fait quand même plusieurs années, hein? Oui, c'est déjà la 11e édition. Fait que c'est une compétition. Moi, Danny, quand j'ai fini ma carrière justement au lac Mégantic en 2007 lors de la première édition, fait que c'est une course là, vraiment agréable de 10 km, vraiment qui part d'un point A à un point B. Fait important, là, c'est le seul 10 km sur le circuit de la FINA, là, qui est un circuit là, de 10 km qui part d'un point A à un point B. Alors, je m'explique, habituellement, là, la compétition est un 10 km. Les compétitions de 10 km se font soit dans des triangles ou des carrés ou des rectangles. Mais là, c'est la première fois, c'est la seule course que une course de 10 km de la finale se fait un point A, un point B, comme on connaît pour la traversée du lac Saint-Jean qui part de Pierre-Riboncas jusqu'à Robertval. Fait que c'est une belle compétition dans un lac enchanteur et c'est la 11e édition déjà là. Et ça a parti avec des nageurs québécois, canadiens. Après ça, on a commencé à voir quelques athlètes là, des États-Unis, de l'Australie. Et là, ça grossit d'année en année là, avec une quinzaine de pays représentés, avec des nageurs du Brésil, de l'Italie, de l'Allemagne. Et c'est très intéressant de voir comment cette organisation-là là, gagne en maturité. C'est-tu comparable à Saint-Thomas comme compétition? En termes de calibre, là, c'est vraiment international sur le circuit. Okay. Et également en termes de festivités, c'est plus gros que le lac Adjim. Okay. Il y a des festivités, des manèges, des spectacles. Le groupe, là, deux frères étaient là. C'est vraiment un festival. Ça se compare un peu à la traversée du lac Saint-Jean. Okay. C'est sûr qu'il y a un peu moins de monde là. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas les 63 années de histoire, mais on s'entend que c'est une compétition puis c'est un festival là, qui prend de l'ampleur d'année en année. OK, OK. Je regardais sur le site du lac Mégantic parce que j'essayais d'avoir des résultats pour nos nageurs du site. Je pense entre autres à Gabriel Savard, entre autres également à Tania Bellil, mais les résultats n'étaient même pas rentrés encore. Mais j'ai vu ça que ça semblait vraiment être gros. Là. On parlait de volleyball, on parlait également de spectacle, comme tu mentionnais là. Oui, exactement. J'imagine que mon petit problème est peut-être le site Internet. Habituellement, ouais. Les résultats sont mis plus rapidement que ça. La compétition s'est roulée vraiment à fond de train. Okay. Avec là, des temps là, chez les hommes là. Sous les deux heures. Là. Ça s'est gagné à 1h58-18 secondes par un Hongrois, là, Christophe Radovski. Le podium masculin, là, et le premier nageur est un nageur de la Hongrie, le deuxième est un nageur italien, le troisième est un nageur du Brésil. Federico Vanelli en deuxième et Alan Do Carmo en troisième du Brésil. Fait que c'était très, très, très relevé. Hein. Il faut aller voir Danny là, au 12e rang là, chez les hommes pour voir le premier Canadien qui fut Xavier Desharnais. Okay. Ça n'a pas été une journée extraordinaire pour nos Canadiens. Là. À la sortie de l'eau, il semblait les deux nageurs canadiens et canadiennes étaient satisfaits, là, mais également chez les femmes, il faut aller au 11e rang avec Daphné Demers de Montréal, là, qui nage de Montréal. Fait que il n'y a pas de podium canadien, là, fait que c'est vraiment là, les athlètes internationaux, là, Hongrie, Italie, Brésil, Allemagne, Japon, Israël, Australie, Argentine, Macédoine, là, qui ont vraiment là, dominé les compétitions. En fait. Philippe Gertin, c'est passé quoi avec lui? Philippe n'était pas là. Okay. Il a pris un petit sauté par-dessus. C'est des deux types de nageurs. Hein. Il y a des nageurs qui font les compétitions plus les marathons, d'autres qui font le circuit des 10 km. Et Philippe avait participé de son côté là, au championnat du monde en Hongrie avant la traversée. Fait que pour lui, c'était un été très chargé. Il était en Hongrie, après c'est venu au lac Saint-Jean. Et fait des fois là, pour question là aussi d'horaire et tout ça, on a comme pas le choix de sauter là une compétition comme ça. Habituellement là, il est là au lac Mégantic là, mais on sent peut-être que cette année là, c'était moins son. Philippe avait vraiment le désir de remporter au lac Saint-Jean. Malheureusement, ça s'est terminé en deuxième position pour lui, mais on sentait là, que c'était pas son désir là, d'aller gagner le classement des 10 km. Parle-moi aussi de Xavier. Xavier, as-tu eu de la misère? Xavier, il était vraiment dominé là. Ben, je pense que c'est une deuxième position. C'est sûr que quand on regarde ça, c'est un peu loin, mais on parle d'une trentaine de secondes là, parce que les vraiment là, ce qui était et ça c'était un point vraiment là. Une compétition extraordinaire à ce niveau-là. Là. Quand on pense que le premier nageur a fait 1h58 18 secondes et que le 15e nageur a fait 1h59 14 secondes. Fait que les 15 premiers athlètes ont terminé à moins de 1 minute de différence. Fait que c'était très, très, très, très, très serré. Et Xavier, de son côté, c'est pas un nageur élu lui-même. Là. C'est pas un nageur qui est très axé sur le sprint. Fait que pour lui, c'est pas le genre de compétition là qui peut être salutaire pour lui là actuellement là, quand il arrive toutes les nageurs comme ça à la fin là, et ça se joue dans les derniers mètres là, c'est pas le nageur qui va se dégager du peloton et qui va prendre la tête. C'est pas un nageur qui a beaucoup de vitesse, c'est un nageur qui est beaucoup plus endurant d'avoir une cadence élevée sur, pendant plusieurs kilomètres. Fait que et rapidement là, il a pris la direction de la Macédoine pour participer là à une compétition de 30 km au cours des prochains jours. OK. Nos athlètes régionaux et locaux. Je sais que Gabrielle Savard, est-ce qu'elle était là? Non, Gabrielle n'était pas là. Sinon, la seule représentante là, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était Sabrina Lavoie, qui a fait une 12e position. Fait que je pense que c'est un peu avec le calibre, là, je pense que c'est une performance là, raisonnable, 2h15 19 secondes. C'était pas mal là, dans où ce qu'on pouvait l'avoir dans la compétition. Là. Je pense pas que c'était une compétition extraordinaire pour elle, mais non plus c'était pas une catastrophe. Là, OK. Ben Marc-André, très intéressant encore une fois. On se reparle très prochainement ou l'an prochain pour encore une fois pour la traversée internationale du lac Saint-Jean pour et également du lac Mégantic. Oui, merci. On se reparle l'an prochain. Mon collaborateur Marc-André Leclerc de Nage en